venu l'automne dernier. Nous on est allé se cacher derrière notre télé. Il commence à faire fret. Il commence à faire fret. Il commence à faire fret. Il commence à faire fret. Et pendant tout l'hiver dernier, nous on est resté couché au fond de la télé. Ça s'appelle trop fret. C'est venu le printemps dernier, nous on n'a pas bougé. Il faisait encore fret, il faisait encore fret, il faisait encore fret, il faisait encore fret. On est de bonne humeur, on fait pousser des fleurs, et quand l'été est là, Eden et Bermuda, collé, collé, stay, stay, oh. Collie, collie, stay, stay, rah.